Le tcha-tcha-tcha-dor, je danse pour mon chat, et je cache en dessous toute ma tête et tout mon corps. Toi tcha-dor et tcha-tcha-tcha, c'est fou ce que mon chat adore. Le tcha-tcha-tcha-dor, même à la turca, c'est son petit nom dans l'origine et le persan. Ça tombe bien parce que mon chat, justement, c'est un chat persan. Ce rondeau en allegretto à la turque, je l'ai fait pour lui. Mais il est pas reconnaissant, il ne cause que des ennuis. Il n'est pas l'Iran, l'Iran, l'Iran paix, les versets sacrés de l'Iran. Il n'est pas soigné Matou, il est terrible ce Matou. Mais avant, sous le chat d'Iran, tous les chats d'Iran se tenaient tranquilles. Est-ce utile de vous rappeler que c'est parce qu'on savait les fouetter? Le tcha-tcha-tcha-dor, je danse pour mon chat, et je cache en dessous toute ma tête et tout mon corps. Tcha-tcha-dor et tcha-tcha-tcha, c'est tout ce que mon chat adore. Roméni, Roméni, maintenant il se croit chez lui. Rominé, grand miné, il fait sa pied de révolution. Roméni, Roméni, maintenant il se croit chez lui. Rominé, grand miné, il fait sa pied de révolution. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que je compose tranquillement cette chanson? D'autant plus que vous sonate au milieu de la sonate. Mais mon chat malamadoué a dû prendre malamadeus. S'est rendu chez le voisin Hugues, il me fait sa petite fugue. Mon chat Téhéran, pars à Téhéran, et tu verras bien si là-bas tous les chats sont gris. En attendant, moi je vais me chercher une souris.